Thank you all for coming to this retreat. You've heard Sayadaw Utthasana's credentials. So I'm just a very small replacement standing in for him in these few days. As he is a monk, he's older than me also, but was ordained for many more years since he ordained at a young age. And also, as a monk, he keeps 227 precepts. So his level of sila, morality, is very high. The morality is the basis for concentration. His depth of practice and his depth of study are far greater than anything that I've managed to do. Je suis vraiment un remplacement très modeste pour Sayadaw Utthasana, qui est de loin senior par rapport à moi, non seulement en termes de pratique, mais aussi en termes d'études. Par ailleurs, il observe 227 règles monastiques, comme tous les moines, et donc son niveau de moralité est beaucoup plus élevé. La moralité, c'est la base de la pratique. Donc il est bien plus loin que moi, à la fois en termes de pratique et en termes d'études. Mais j'espère malgré tout, malgré qu'il soit tant supérieur à moi à ce niveau, pouvoir aider à l'assister pour le début de cette retraite, pour les premiers jours de cette retraite. Donc chacun d'entre vous a fourni de gros efforts pour venir à cette retraite, pour se désengager de ses activités habituelles. Et cette retraite existe, a été possible parce que des gens ont fondé ce centre, l'ont fondé et puis l'ont maintenu à travers les années. L'opportunité de cette retraite existe grâce à ceux qui ont pris la responsabilité de ce centre, aussi grâce aux bénévoles, aux nombreux bénévoles qui ont aidé, et grâce aussi à tous les donateurs qui ont fait des dons tout au long de l'existence de ce centre. Donc, c'est une conjonction de tous ces éléments qui permet cette opportunité. Et il faut bien comprendre que cette opportunité, c'est quelque chose de rare et de précieux. Le but de Vipassana, le but de la méditation de la vision pénétrante, c'est de réaliser la paix intérieure. C'est de réaliser la paix intérieure et aussi de développer les connaissances de la vision pénétrante. C'est une connaissance spéciale, non conventionnelle, et c'est une sagesse qui va nous être très utile dans la vie quotidienne, pour faire face aux hauts et aux bas de l'existence auxquels on est confronté. Et pour avoir cette paix intérieure, il faut d'abord s'engager à ne pas nuire aux autres, à ne pas nuire à travers nos actions physiques et à travers nos paroles. Et pour cela, on commence par prendre les préceptes moraux. Donc, il ne faut pas se nuire ni à soi-même, ni aux autres. La plupart d'entre vous connaissent déjà cela, mais c'est quand même nécessaire de le dire. Les laïcs bouddhistes observent 5 préceptes moraux. Donc, la plupart d'entre vous le savent, mais il faut quand même le répéter. Et le premier de ces préceptes moraux, c'est ne pas tuer des êtres vivants. Tous les êtres vivants aiment leur vie. Et quand on le sait, quand on est capable de savoir qu'on n'aimerait pas soi-même se voir ôter la vie, on peut avoir de l'empathie pour les autres êtres vivants et de ce fait s'engager à ne pas les tuer. Donc le précepte suivant, c'est ne pas voler. Et là aussi, on peut comprendre qu'on n'aimerait pas se voir dérober ses propres biens et de ce fait s'engager à observer ce précepte de ne pas voler. Et on peut comprendre chacun des préceptes moraux d'une façon similaire. Le troisième précepte, c'est ne pas commettre l'adultère, ne pas avoir de relation sexuelle avec l'épouse de quelqu'un ou le partenaire de quelqu'un. On peut comprendre là aussi ce qu'on ressentirait si notre partenaire nous faisait ce coup-là. s'il était déloyal envers nous, on peut comprendre que c'est injuste, qu'un tel acte est injuste, et dès lors s'abstenir de le faire. Donc le quatrième précepte, c'est s'abstenir de paroles erronées, de paroles mauvaises, comme le mensonge, la calomnie. Ici spécifiquement, ça signifie créer la division entre des gens qui sont en bons termes, créer intentionnellement la division entre eux, ou alors maudire, insulter quelqu'un, ou aussi cancaner. Éviter tous ces types de paroles erronées, de paroles impropres. Et le cinquième précepte, c'est s'abstenir de drogues récréatives qui nous rendent oublieux d'accomplir des choses bénéfiques. Peut-être que les drogues ou les intoxicants ne nuisent pas directement aux autres, mais les drogues et les intoxicants amoindrissent notre capacité à distinguer ce qui est bon à faire et peuvent nous amener à commettre plus facilement des transgressions, c'est-à-dire l'objet des quatre premiers préceptes. Si on est sous l'influence des intoxicants, on commettra plus facilement des mauvaises actions. Donc l'observance de ces préceptes va amener la paix dans notre vie. Le fait de s'abstenir de ces actions mauvaises va amener un certain degré de paix. Et ce degré de paix est suffisant pour servir de base pour la concentration, pour le développement de la concentration et de la sagesse. Donc, observer les préceptes moraux, on dit aussi que c'est faire un don d'absence de peur, parce que les autres ne doivent plus avoir peur de nous. Ils ne doivent plus craindre qu'on va les tuer, les voler ou leur faire des coups bas, parce qu'ils savent qu'on observe la moralité. Par ailleurs, quoi qu'on ait fait dans le passé, quoi qu'on ait accompli dans le passé, c'est désormais derrière nous. Et on ne doit plus y penser à partir du moment où ici on va prendre les 9 préceptes maintenant. Même si les 5 préceptes suffisent pour établir la concentration et la sagesse, c'est plus approprié dans le cadre d'une retraite de prendre 8 ou 9 préceptes. C'est un degré plus élevé de moralité. Par exemple, le 3e précepte est modifié. Dans le cadre des 5 préceptes du laïc bouddhiste, il s'agit seulement de s'abstenir de relations sexuelles en dehors du mariage ou en dehors de son partenaire. Mais dans le cadre des 8 ou des 9 préceptes, on évite tout type d'activité sexuelle. Le 6e précepte, ensuite, consiste à limiter le temps consacré à l'alimentation. On ne mange qu'entre l'aube et l'heure de midi. Et ça permet d'une part d'avoir plus de temps pour la méditation, et d'autre part, ça nous dégage des troubles que peuvent apporter la digestion. On est moins gêné par la digestion, donc c'est très propice pour la méditation. Le 7e précepte, c'est s'abstenir d'activités récréationnelles, comme par exemple chanter, danser, écouter la radio, ou alors s'embellir, se décorer, etc. Et ça simplifie notre vie. On évite par exemple les bijoux, des choses comme ça. Ça donne plus de temps pour la méditation. Et le Bouddha, par ailleurs, a évoqué l'idée d'embellir son esprit. Plutôt que d'embellir son corps, on embellit son esprit. Le 8e précepte, ne pas dormir ou ne pas s'asseoir sur des sièges ou des lits élevés ou luxueux. Donc ça aide d'une part à maintenir le célibat et d'autre part à ne pas prendre plaisir dans le fait de dormir. Le 9e précepte, c'est maintenir de la bienveillance, une attitude bienveillante envers tous les êtres. Donc maintenir metta, l'amour bienveillant, un sentiment de metta envers tous les êtres. De cette façon, on parvient à vivre de façon harmonieuse avec notre entourage. Parfois, on vit en communauté, on ne vit pas en isolation, on vit en communauté, et parfois, on ressent de l'irritation même quand on reste silencieux, de l'irritation à l'égard des autres personnes autour de nous. Et donc, développer Metta nous aide à comprendre, à gérer éventuellement cette irritation, et à comprendre aussi que même si nous sommes tous différents, tous les êtres fondamentalement recherchent le bonheur, tout comme nous-mêmes recherchons le bonheur, tous les êtres sont à la recherche du bonheur. Outre les 9 préceptes, on prend aussi refuge dans le Bouddha, le Dhamma et le Sangha. Ça ne signifie pas qu'on adopte le bouddhisme comme religion, ça signifie simplement qu'on voit le Bouddha et le Dhamma, son enseignement, comme un refuge. Donc le Dhamma, c'est la méthode. Et le Bouddha, on le voit comme quelqu'un en qui on peut avoir confiance, auquel on peut se fier. Et le Sangha, c'est les gens qui ont pratiqué le Dhamma et qui ont atteint la liberté grâce à cette pratique. Pas seulement ceux qui ont atteint les stades de libération, mais tous les moines et les nonnes ordonnés qui pratiquent l'enseignement du Bouddha. Pendant la retraite, on essaye de maintenir notre esprit calme en fixant notre attention sur un objet. On vit dans ce monde à deux niveaux, au niveau du corps et au niveau de l'esprit. On vit dans ce monde au niveau physique, à travers le corps physique, à travers le véhicule du corps physique. Et on vit au niveau spirituel, au moyen de l'esprit. C'est par l'esprit qu'on sent, qu'on ressent, qu'on expérimente, qu'on ressent de la joie ou de la peine. Le but de la méditation, c'est de rendre notre esprit plus équilibré, plus résistant et plus recueilli. Et afin d'y parvenir, nous devons voir les états mentaux très profondément. Nous devons voir comment notre esprit fonctionne et comment notre esprit réagit. Au début, c'est un challenge, c'est un défi. Mais si on persévère, petit à petit, on va commencer à y goûter. On va commencer à prendre du plaisir. On va commencer à goûter à cela. Dans ma propre expérience, j'ai commencé la méditation voici 45 ans par une courte retraite de 7 jours. Et je l'ai fait parce que je savais en quelque sorte qu'il fallait que mon esprit soit entraîné, qu'il fallait un entraînement pour mon esprit. Le Bouddha a déclaré, il est bon d'entraîner l'esprit, l'esprit qui est difficile à réprimer, qui est léger, qui est agile, qui atterrit là où il veut, qui atterrit partout là où ça lui chante. Et l'entraînement de l'esprit apporte le bonheur. Donc, lorsque j'ai pratiqué pendant cette première retraite de 7 jours, j'ai compris à quel point cette déclaration du Bouddha était vraie. Et 7 jours, et puis cette année de pratique, si on vit encore tout ce temps, ça apporte vraiment le bonheur. Ça a un impact énorme sur notre bien-être. Et la raison pour laquelle il en est ainsi est claire. C'est parce que la méditation maintient l'esprit calme et recueilli. Ici dans la salle, il y a des pratiquants de longue date qui ont pratiqué de nombreuses années. Et je souhaite leur poser la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que la méditation a un impact très grand sur leur bien-être? Lorsque l'on pratique longtemps, on remarque que la pratique apporte de la clarté dans l'esprit, elle apporte de la stabilité, elle apporte des conditions mentales positives. Et même si à l'occasion on est encore assailli par des états mentaux négatifs, de l'agitation, de la frustration, etc. On est capable de gérer ces états mentaux négatifs avec attention. Et donc voilà, je souhaite demander aux pratiquants dans cette salle si c'est vrai. Donc quelques personnes acquiescent de la tête, donc c'est bon. Donc hormis la libération de la souffrance, le soulagement de la souffrance, le but de la méditation, le but lointain, c'est d'atteindre la libération. Évidemment, ça peut paraître très élevé et lointain, mais en fait, ça signifie quoi, atteindre la libération? Ça signifie libérer l'esprit de l'enchevêtrement dans lequel il se trouve tous les jours. Donc ça, c'est un but lointain, mais pour nous, pour les gens ordinaires, la méditation sert à développer un esprit paisible, fort et réénergisé pour notre vie quotidienne. Donc on n'atteint pas une paix durable de l'esprit sans passer d'abord par une paix momentanée de l'esprit. Et en termes pratiques, en termes concrets, la méditation, c'est aussi simple que notre routine quotidienne. Tous les jours, on doit prendre soin de notre corps, on doit se laver, on doit se reposer, etc. Tout comme on prend soin du corps de cette façon, la méditation, c'est une façon de prendre soin de notre esprit pour gérer nos émotions, pour rendre notre esprit plus sain, plus fort, à travers les connaissances de la vision pénétrante. Et vous ne devez rien faire de compliqué, en fait. Il suffit de s'asseoir, de se décontracter, d'être relax, de prendre en quelque sorte des vacances spirituelles, mais pas toutefois des vacances physiques. En méditation, afin de rendre notre esprit décontracté, on se concentre sur ce qu'on appelle l'objet primaire, et en méditation assise, il s'agit du soulèvement et de l'abaissement de l'abdomen. Le soulèvement et l'abaissement se produisent quand on inspire et qu'on expire de l'air. Donc vous devriez vous asseoir avec le dos bien droit, mais sans être tendu, et vous devriez vous sentir suffisamment confortable pour pouvoir rester dans cette posture pendant une heure, sans ressentir de fortes douleurs. Je sais bien que vous êtes assis depuis bien plus d'une heure. Donc vous pouvez fermer vos yeux. On n'a pas besoin de regarder quoi que ce soit pendant la méditation. Et placez votre attention sur la surface de l'abdomen. Lorsque vous inspirez de l'air, vous concentrez votre esprit sur le mouvement de soulèvement et vous notez soulèvement. Et lorsque vous expirez de l'air, vous concentrez votre esprit sur le mouvement d'abaissement en faisant une note mentale, abaissement. Vous respirez normalement, comme vous avez l'habitude de le faire dans la vie quotidienne. Ça, c'est donc l'objet primaire d'observation pendant la méditation assise. Donc certains méditants sont habitués à pratiquer en observant l'air qui entre et qui sort au niveau des narines. Et Sayadaw Utthitsana a dit qu'on pouvait aussi prendre le mouvement de l'air au niveau des narines comme objet primaire. Mais ce qui est important, c'est de ne pas passer de l'un à l'autre. Et dans la plupart des cas aussi, sauf si vous avez de la congestion au niveau du nez ou si vous êtes obèse, enfin si vous êtes très gros, l'abdomen est un objet très clair qu'on peut observer facilement. Donc le but d'observer un objet primaire, c'est de maintenir l'esprit fixé, un peu comme on donnerait un jouet à un enfant. Notre esprit est un peu comme un enfant. Il vagabonde constamment, ici et là. Et on doit essayer de le maintenir au calme. Donc pour la plupart des gens, au début, après quelques minutes de pratique, l'esprit s'envole. Des pensées diverses apparaissent. Par exemple, on se met à parler à des amis, on voit des choses, etc. Et ce qu'on fait en méditation, on ne s'attache pas au contenu de ces pensées, mais on observe le processus. Et on note simplement pensée, pensée, ou alors savoir, c'est-à-dire le fait que notre esprit est conscient du fait qu'il pense. On note cette conscience, on note savoir. Il faut qu'on lâche ces vagabondages de l'esprit, plutôt que d'être absorbé dans les pensées. Donc au début, vous ne pourrez pas être en mesure de noter immédiatement ces pensées, mais si vous restez patient, que vous poursuivez la pratique patiemment, petit à petit, vous allez être de plus en plus en mesure de noter ces pensées, ces vagabondages, et de maintenir l'esprit au calme. Mais il faut que vous restiez décontracté, c'est très important. Il ne faut pas que vous commenciez à penser, voilà, je suis venu pour méditer, et je ne fais que penser, etc. Donc ça, c'est très important. Maintenir une attitude décontractée et être patient. L'abdomen, c'est donc l'objet primaire, et on peut penser que la pensée, le vagabondage de l'esprit, c'est l'objet secondaire. Mais bien sûr, il y a aussi d'autres objets. Par exemple, les douleurs. Comme vous le savez, parce que ça fait déjà un petit temps que vous êtes assis, maintenant, les douleurs apparaissent après un certain temps dans le corps. Et quand les douleurs apparaissent, il faut qu'on soit en mesure de lâcher l'objet primaire, l'observation de l'objet primaire, et d'observer directement la douleur, de placer son attention à l'endroit où la douleur se manifeste. Mais c'est très important de ne pas s'identifier avec la douleur. Ici, je cite Sayadaw, comme vous l'avez peut-être remarqué si vous avez déjà entendu son enseignement. Donc Sayadaw déclare « N'assumez pas la propriété de ces visiteurs, de ces douleurs, qu'il faut voir comme des visiteurs externes. N'en prenez pas la propriété. » Et lorsque rien de spécial ne se produit, revenez simplement à l'observation de l'objet primaire. Évidemment, il faut essayer de tenir face aux douleurs, de tenir le plus longtemps possible, de les supporter le plus longtemps possible. Mais si ça devient vraiment insupportable, vous pouvez bouger. Mais lorsque vous bougez, vous devez le faire avec attention. Vous devez d'abord observer le désir de bouger, et puis observer chaque mouvement précisément. Vous devez observer, quand la douleur apparaît, elle doit être observée. Il faut observer la douleur elle-même. Il faut aussi observer le rejet de la douleur, le fait qu'on n'aime pas la douleur. Tout ce qui se passe dans l'esprit doit être noté. Si la colère apparaît, il faut pouvoir noter ça aussi. Et quand on prend la décision de bouger, il faut noter cette décision. C'est la première chose. Et une fois qu'on a noté la décision de bouger, il faut noter chaque mouvement jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on ait à nouveau posé la main. Et de cette façon, vous n'interromprez pas la continuité, le flux de l'attention et de la concentration. Donc on arrive à la fin ici de notre session. Lorsque vous allez prendre la posture debout après la session, essayez déjà d'être attentif. Vous pouvez observer la station debout quelques instants, debout. Et puis, quand vous vous mettez à marcher, vous observez les pas, chaque jambe qui bouge, pas droit, pas gauche. Et de cette façon, vous allez empêcher votre esprit de partir dans des vagabondages. Ensuite, vous vous dirigez vers votre chambre, vers votre lit, vous vous asseyez et vous faites une note mentale. S'asseoir sur le lit, et puis vous passez de la posture assise à la posture couchée, et vous notez ça, vous notez les jambes, vous notez le corps entier, quelle que soit la façon de dormir en général, par exemple les membres étendus, ou alors vous pouvez observer le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen si vous préférez, et vous observez de cette façon le sommeil qui vient à vous. Vous n'avez pas besoin d'aller à la recherche du sommeil. De cette façon, en observant soit la posture allongée, soit le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen, vous laissez le sommeil venir à vous. Vous ne devez pas aller à lui. J'espère que vous serez tous en mesure de pratiquer la méditation de l'attention paisiblement, et que vous seriez tous en mesure de réaliser des progrès. So I hope that you will all be able to practice mindfulness meditation peacefully and progressively in this retreat. Sadhu. Sadhu. Sadhu.